Voilà, alors maintenant les filles qui devaient se préparer tout à l'heure pour sauter nues du balcon, vous pouvez vous préparer tout de suite, parce que c'est maintenant le moment de la chanson. Alors, merci. Je vous remercie beaucoup, merci. La vache, il est balèze, hein, ce micro-là, putain. J'ai l'impression d'avoir une paire de couilles comme ça. Les couilles à Hulk. Bon, alors... Non, laisse, c'est agréable, laisse. Donc c'est un peu vert, en plus. Alors, non, c'est pas le moment que je fasse le con avec vous, puisque je vais chanter une chanson, comme promis. Chanson qui était un petit peu triste, donc je vous demande un petit peu de silence. Je vous remercie d'avance, merci. Ben, je vous remercie. Toujours sympa. Non, sérieux, c'est une chanson qui est un petit peu triste, donc je vous demande un petit peu de silence. Je vous remercie d'avance, merci. Évidemment, il y a les décalés qu'on profite pour rattraper. Là, on a du temps, on va recoller au peloton. Non, on a un peu de silence, merci d'avance. Merci. Voilà. Voilà, attendez, on va faire autrement. Parce que là, on ne va pas y arriver. Alors, foutez le bordel comme vous voulez, allez-y. Allez-y, foutez le bordel. Voilà. Voilà, très bien, voilà. Et puis moi, dès qu'il y a un trou, bah, hop, je m'enfile dedans. Voilà. On va dire que c'est moi, voilà. Non, je sens qu'il est un peu triste, je me mets un petit peu de silence, je m'assieds d'abord. Non, ça va. Non, j'y vais de toute façon, j'y vais, ok? Hein? J'y vais de toute façon, ok? Non, ça y est. J'y vais de foutre le bordel et moi j'y vais de toute façon, ok? Je mets un peu de silence, je m'assieds d'abord. Tiens, 3, 4. Bah attendez, alors je vais compter, mais je ne dirai pas quand je démarre, d'accord? Si vous attendez, je dis 4 pour me chier le truc, c'est pas malin. Un peu de silence, merci d'abord. Je compte, je vous dis pas quand je démarre, et puis c'est tout. Bon. 3, 4, 5. 6, 7, 8. Vous voyez, je suis même pas en rythme, toi. 32. Non, parce que je vais plus vite dans ma tête. 428. Par le cendrier plein. Je recommence. Un peu de silence, merci. Par le cendrier plein, vidé par la portière, par les crottes de chien, par les capsules de bière, par les papiers froissés, poussés par le blizzard, par les peaux de bananes jetées sur le trottoir, par l'huile des moteurs, par les bouts de cigares. Je vous salis ma rue.